concitoyen veut faire des voyages, il se vaut sur son canapé. Pourquoi vouloir sortir de sa cage, autant mater la télé. C'est ça, remplis-toi bien la tête d'informations prédigérées. Surtout n'ouvre jamais ta fenêtre vers la réalité. Quand le citoyen s'en va en vacances, il se traîne à 60 à l'heure. Car il sait bien qu'on ne peut en France rouler sans être un tueur. Ton gilet jaune est sur ton siège, autocollant, vive l'éolienne. Et la voix de gauche, tu la sièges, dégage, tu me fous la haine. Sur terre, il ne consiste qu'à consommer. L'homme n'est qu'une bête sans repère et sans identité. Quand le citoyen s'en va faire la fête, il est bien vite excédé par l'importun et sa cigarette à la terrasse du café. Bien dit à la télé, les fumeurs sont des criminels. Il te faut vite les dénoncer, c'est le devoir qui t'appelle. Quand le citoyen t'invite à sa table, n'espère pas un verre de vin. C'est bien plus américain. Bois donc ta bouteille de soda, c'est bien meilleur pour ta santé que le vin rouge de Pongolois qui réjouit mon gosier. Fous-toi, laisse ta pauvre vie en carton. Écoute nos chansons, n'oblige pas à sortir le bâton.